voudrais une fille pour moi qui serait gentille, rien que ça. Mais celle-là, je ne la trouve pas, pour elle, je ferais n'importe quoi. J'ai peur des filles qui demandent tout, car moi, je ne possède pas un sou. Je voudrais pouvoir en trouver une qui ne me demande pas la lune. Mais celle-là, je crois, n'existe pas. Je voudrais de l'amour, rien que ça. J'ai peur des filles trop jolies. Je voudrais seulement une amie. Let's go! Je voudrais une fille pour moi qui serait gentille, rien que ça. Mais celle-là, je ne la trouve pas, pour elle, je ferais n'importe quoi. J'ai peur des filles en mini, j'ai peur des filles en bikini. Je n'ose pas les approcher, tant je me sens intimidé. J'ai peur des filles qui demandent tout, car moi, je ne possède pas un sou. Je voudrais pouvoir